Chapitre 2e. La rencontre de ce banc me fit penser qu'il serait imprudent de s'avancer plus loin au sud. D'autant mieux que l'été était à moitié passé et qu'il aurait fallu quelque temps pour faire le tour de la glace en supposant que ce projet fût praticable, ce qui est douteux. Je résolus donc de chercher directement la terre qui avait été découverte récemment par les Français. Le 19 par 64 degrés 12 minutes de latitude sud et 40 degrés 15 minutes de longitude est, un oiseau que nous nommâmes, dans mon premier voyage, poule du père Egmont, voltigea plusieurs fois sous le vaisseau et s'éloigna dans la direction du nord-est. Nous reconnûmes que c'était la grande mouette du nord, commune dans les latitudes élevées des deux hémisphères. Quelques jours après, nous en vîmes une autre de la même espèce, qui s'éleva à une grande hauteur perpendiculairement au-dessus de nos têtes, et qui nous regardait avec beaucoup d'attention. Ce fut une nouveauté pour nous, qui étions accoutumés de voir les oiseaux aquatiques de ce climat se tenir près de la surface de la mer. Nous aperçûmes en même temps des marsouins qui marchaient avec une vitesse étonnante. Le temps sombre et brumeux continuait, le vent était invariablement fixé au nord-est, et nous marchâmes dans cette direction jusqu'à 4 heures de l'après-midi du 1er février. Comme nous étions alors par 48 degrés 50 minutes de latitude et 58 degrés 7 minutes de longitude est, à peu près dans le parallèle de l'île Maurice, je m'attendais à trouver la terre qu'on disait avoir été découverte par les Français en janvier 1772. N'en voyant point le moindre signe, je cinglais à l'est. Le 8 février, nous eûmes une brume épaisse. Je fis plusieurs signaux à l'aventure qui n'y répondit pas, ce qui me causa de vives inquiétudes. J'avais trop de raisons de nous croire séparés, quoiqu'il eût été difficile de dire comment quoi était arrivé. En cas de séparation, j'avais ordonné au capitaine Furneaux de croiser 3 jours dans le parage où il m'aurait vu la dernière fois. Je continuai donc de faire de courtes bordées, et l'on tira des coups de canon toutes les demi-heures, jusqu'à l'après-midi du 9. Le ciel s'étant alors éclairci, notre horizon s'étendit de toutes parts à plusieurs lieues, et nous n'y aperçûmes point l'aventure. Nous étions à 2 ou 3 lieues à l'est de l'endroit d'où nous l'avions vu la dernière fois. Un vent très fort m'obligea de mettre en panne jusqu'à 8 heures du matin. Durant cet intervalle, nous ne découvrîmes point l'aventure, quoique le temps fût assez clair, et que nous eussions tiré des coups de canon et fait des feux toute la nuit. N'ayant plus d'espérance de la revoir, je fis voile et je gouvernais sud-est avec un vent très frais. Tout l'équipage fut affligé de cette séparation. Nous ne jetions jamais les yeux sur l'océan sans témoigner quelque chagrin de voir notre vaisseau seul au milieu de cette mer inconnue et lointaine. La vue d'un second bâtiment avait jusqu'alors adouci nos peines et inspiré la gaieté. Le 17 février, par un temps assez beau, ciel clair et serein, nous aperçûmes entre minuit et 3 heures du matin des clartés semblables à celles qu'on voit dans l'hémisphère septentrional et qu'on appelle aurore boréale. Je n'avais pas encore ouï parler de l'aurore australe. L'officier de quart observa qu'elle se divisait parfois en rayons de forme spirale groupés en gerbes et qu'ensuite la lueur était très forte et le spectacle très beau. Il ne remarqua pas une direction particulière. Cette lueur paraissait à divers moments et en différentes parties du ciel et se répandait sur toute l'atmosphère. Dans la nuit du 20, l'aurore australe parut très brillante et très lumineuse. On la vit d'abord à l'est, un peu au-dessus de l'horizon, et bientôt après, elle se répandit sur tout le firmament. Cette aurore australe différait des aurores boréales en ce qu'elle était toujours d'une couleur bleuâtre, tandis que dans le nord, elle prenait différentes teintes et surtout d'une couleur de feu ou de pourpre. Quelquefois elle cachait les étoiles, d'autres fois on les voyait à travers sa substance. Le 23, nous étions par 61 degrés 52 minutes de latitude sud et 95 degrés 2 minutes de longitude est. Je revirai et fis de petites bordées pendant la nuit, qui était extrêmement orageuse, épaisse et brumeuse, avec de la pluie mêlée de neige. Environnés de périls de toutes parts, nous devions soupirer après le poids du jour. Enfin l'aurore vint encore augmenter nos alarmes, en offrant notre vue des montagnes de glace près desquelles nous avions passé la nuit sans les apercevoir. Tant de circonstances défavorables, jointes aux nuits sombres de cette saison avancée, m'empêchèrent d'exécuter la résolution que j'avais prise de passer encore une fois dans le cercle antarctique. En conséquence, le 24 février, à 4 heures du matin, je portai au nord avec un vent très fort, accompagné de neige et de pluie neigeuse, et une grosse mer qui mit en pièces beaucoup d'îles de glace. ce morcellement ne fut pas avantageux. Nous eûmes au contraire un bien plus grand nombre de petits bancs à éviter. Les gros morceaux qui se détachaient de ces îles, ne se voyant pendant la nuit que lorsqu'ils sont tout près du vaisseau, étaient bien plus dangereux que les îles elles-mêmes, qu'on aperçoit d'habitude d'un peu loin, à moins que le temps soit brumeux et sombre, car elles sont très élevées au-dessus de la surface de l'eau. Ces dangers, cependant, nous étaient devenus si familiers qu'ils ne nous causaient pas de longues inquiétudes. D'ailleurs, ils étaient compensés par l'eau douce que ces îles de glace nous fournissaient très à propos. Leur aspect était aussi très pittoresque. Nous en avons vu qu'il y avait au milieu un creux ressemblant à une caverne percée de part en part et qui admettait le jour de deux côtés. Plusieurs ressemblaient à un clocher ou avaient une forme spirale. L'imagination se donne en carrière, nous en comparions souvent d'autres à des objets connus. Je poursuivis ma route à l'est, inclinant au sud. Le 8, le temps devint bon, le ciel s'éclaircit. Je portais toujours à l'est, inclinant vers le sud, avec un vent frais du sud-ouest jusqu'au 15, 5 heures du matin. Étant alors par 59 degrés 7 minutes de latitude sud et 146 degrés 53 minutes de longitude est, je mis le cap au nord-est et à midi au nord, ayant résolu de quitter les hautes latitudes australes et de gagner la Nouvelle-Zélande pour y apprendre des nouvelles de l'aventure et y rafraîchir mon équipage. Le 25, la terre de la Nouvelle-Zélande fut aperçue du haut des mâts et à midi on la voyait, de dessus le pont, s'étendre à une distance de 6 lieues. Je portais au sud jusqu'à 11 heures du soir. Alors, je revirais pour gouverner au nord, ayant une mer très grosse et très irrégulière. Le lendemain, à 5 heures du matin, je laissai arriver sur la terre et nous entrâmes dans la baie d'Husky. Quand nous entrâmes dans la baie d'Husky, le temps était délicieux et l'air très doux. Poussé par un léger souffle de vent, nous avions passé devant un grand nombre d'îles couvertes de bois, où des arbres toujours verts offraient un contraste agréable avec la teinte jaune que l'automne répand sur les campagnes. Des trompes d'oiseaux de mer animaient les côtes, et tout le pays retentissait du chant des oiseaux des forêts. Après avoir souhaité avec tant d'empressement de voir la terre, nos yeux ne pouvaient se rassasier de la contempler, et le visage de tout le monde annonçait la joie et la satisfaction. En retournant à bord le 6 au soir, après avoir été reconnaître la baie, nous eûmes une courte entrevue avec trois des naturels du pays, un homme et deux femmes. Ils se montrèrent de même à nous les premiers. Nous passions sans les voir et l'homme nous appela en poussant des cris. Il se tenait sur la pointe d'un rocher, sa massue à la main, et derrière lui, sur la lisière du bois, se trouvaient les deux femmes qui avaient chacune à la main une pique. Tous trois avaient le teint couleur olive ou brun foncé. Leurs cheveux étaient noirs, bouclés ou induits et saupoudrés d'ocre rouge. Leur corps était très bien proportionné dans la partie supérieure, mais leurs jambes étaient minces, tournées en dehors et mal faites. Nous leur dîmes, dans la langue de Tahiti, « Taya Are, mon ami, viens ici. » L'homme ne put s'empêcher de montrer beaucoup de crainte lorsque notre bateau s'approcha du rocher. Cependant, il garda son poste avec intrépidité et ne se baissa même pas pour ramasser les petits présents que nous jetions. Enfin, je débarquai, tenant à la main des feuilles de papier blanc. J'allai à lui et je l'embrassai. Je lui offris les bagatelles que j'avais sur moi, et cela dissipa sur le champ sa frayeur. Nous offrîmes assez naturel du poisson et du gibier que nous avions sur notre bateau, mais ils rejetèrent ces dons en nous faisant entendre qu'ils n'en avaient pas besoin. La nuit venant, il fallut les quitter. Alors la plus jeune des femmes, qui surpassait par la volubilité de sa langue toutes les plus intrépides parleuses que j'ai jamais rencontrées, dansa devant nous pendant que l'homme nous examinait avec beaucoup d'attention. Le lendemain matin, je fis avec Messieurs Forster et Messieurs Hodges une autre visite assez naturelle. Je leur portai diverses choses qu'ils reçurent avec beaucoup d'indifférence, si l'on en excepte les haches et les clous de fiche, qu'ils estimaient plus que tout le reste. Cette entrevue se passa au même endroit que celle de la veille, et nous vîmes alors toute la famille, composée de leurs femmes, que nous prîmes pour les épouses de l'homme, d'un troisième très jeune, d'un garçon d'environ 14 ans, et de trois petits-enfants dont le plus jeune était à la mamelle. Ils nous menèrent dans leur habitation, située dans les bois, à peu de distance du bord de l'eau. Nous trouvâmes de petites huttes d'écorce d'arbres maintenues par des bâtons. Sur la grève d'une crique, près des huttes, il y avait une petite pirogue double, assez grande pour transporter toute la famille de place en place. Pendant que nous étions parmi eux, M. Hodges fit leur portrait, et lui donnèrent le nom de Tok Tok. mot qui signifie sans doute « marquer ou peindre ». Nos amis les Zélandais nous firent une visite, et le lendemain, le chef de famille et sa fille se décidèrent à venir à notre bord, tandis que les autres allèrent à la pêche sur leurs pirogues. Je leur montrai nos chèvres et nos moutons qui étaient sur la côte. Ils les regardèrent d'abord pendant quelque temps avec une insensibilité stupide, mais ensuite ils les demandèrent. Nous ne leur en donnâmes pas parce qu'ils les auraient laissés mourir de faim. Avant que l'homme entrât dans notre bâtiment, il se retira à l'écart, plaça une patte d'oiseau et des plumes blanches dans ses oreilles et rompit une branche verte d'un arbrisseau voisin. Puis il prit à la main cette branche et en frappa plusieurs fois les flancs du vaisseau en débitant une harangue ou une prière qui semblait avoir des cadences régulières et un maître comme un poème. Dès qu'il eut fini, il jeta la branche verte dans les grandes chaînes de hauban et monta à bord. Quoique la femme ne fît d'habitude que rire et danser, elle parut très sérieuse durant la harangue et se tint à côté de l'homme qui parlait. Cette coutume de prononcer avec pompe et respect un discours aux étrangers est générale parmi les insulaires de la mer du Sud. Je conduisis les deux Zélandais dans ma chambre où nous déjeunions. Ils s'assirent à table, mais ils ne voulurent goûter d'aucun de nos mets. L'homme cherchait à savoir où nous dormions, et ils furetaient dans tous les coins de la pièce, dont chaque partie lui causait de la surprise. Mais il ne pouvait pas fixer un moment son attention sur un objet particulier. Les ouvrages de l'art lui apparaissaient sous le même point de vue que ceux de la nature, et il était aussi éloigné de concevoir les uns que les autres. Le nombre et la force de nos ponts, ainsi que d'autres parties du bâtiment, semblaient cependant le frapper davantage. Nos oies les amusèrent beaucoup. Ils caressèrent aussi, et à diverses reprises, un joli chat, mais ils rebroussaient toujours le poil, bien que nous leur montrassions à le coucher de l'autre côté. Ils admiraient probablement la richesse de sa fourrure. Ils n'entrèrent dans nos chambres qu'après un long délai. Ils furent surtout charmés d'apprendre l'usage des chaises et de voir qu'on les portait de place en place. Parmi les différentes caresses qu'ils nous firent, l'homme tira de dessous son vêtement, un petit sac de cuir, et après avoir mis avec beaucoup de cérémonie ses doigts qui en sortirent couverts d'huile, il voulut oindre mes cheveux, mais je n'acceptai pas cet honneur parce que l'onguent, qui était peut-être pour les Zélandais un parfum délicieux, sentait mauvais pour nous. Et la saleté du sac qui le contenait achevait de nous dégoûter. Miss Hodges fut contraint de subir l'opération. La jeune fille, ayant plongé une touffe de plumes dans cette huile, voulut absolument honorer le col de notre dessinateur. Depuis 8 jours, nous avions un beau temps continu, circonstance que je crois très peu commune dans cette partie de la Nouvelle-Zélande, surtout à cette saison de l'année. Je profitai de ce beau temps pour compléter mes provisions d'eau et de bois, faire accommoder les agrès, calfater le vaisseau et tout disposer afin de remettre en mer. Nos tentes, nos munitions furent toutes portées à bord le 28 et je n'attendais plus que du vent pour sortir du Havre. Comme il n'y avait plus rien sur la côte, je mis le feu à divers endroits du terrain que nous avions occupé. On le bêcha, on y sema différentes espèces de graines de jardin. Le sol ne promettait pas à la plantation grand succès, mais je n'en trouvais pas de meilleur. Le 11 matin, à 9 heures, on leva l'ancre avec une brise légère du sud-est.